les vins ont caillé. Je ne sais plus quoi faire, mes mains plus besoin d'y noyer. Mais c'est l'envolé, mon cœur s'éparpille. J'aimerais vivre comme dans ces histoires qu'on me lisait quand on est petit. Il n'y a que du mensonge pour s'endormir, rêver, l'imaginer et s'éloigner de ce monde. Je ne sais pas comment faire l'illusion du mensonge, car cette terre est bombardée autant que ces humains sous ses tombes. Si ça se trouve, on finira comme ça. Écris ta vie, car si tu pars, tout le monde oubliera. Je te conseille, même si je suis pas un homme bien, mon âme enseigne à cause de tous ces coups sur elle. Tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais sans argent on ne vit pas. Sans ça, on vit dans le malheur et sans maison, on meurt de froid. Alors petit frère, s'il te plaît, prends soin de toi. Encore une seule nuit où mes larmes vont couler. Vous dire la vérité sans reparler du passé. Envoie mon continuer, personne pour t'écouter. Je le fais pour m'évader, car ma tête dans les bombées. Encore une seule nuit où mes larmes vont couler. Vous dire la vérité sans reparler du passé. Encore mon continuer, personne pour t'écouter. Je le fais pour m'évader, car ma tête dans les bombées. Tu sais, dans ma vie, rien, à quoi pour essayer, cela ne changera rien. On soigne le mal par le mal, le bien par le mal. À quoi le résultat, c'est se foutre une balle. Dans cette vie, il n'y a plus d'amitié que des ennemis qui cachent leurs jeux pour ensuite te niquer. Même la famille a bien changé, personne pour t'aider. Non pas plus bas que terre, car personne sera là pour te relever. Je te le dis, car je sais ce que ça fait, rester indépendant pour pouvoir percer. Je suis qu'un jeune avec une plume brisée qui n'arrive pas à s'en sortir dans la vie. Alors écris des textes pour pouvoir l'oublier. Mais cela est difficile et m'en est même venu à en perdre mon sourire. À en perdre son sourire. Un jeune prodige qui est perdu dans son martyr. Encore une seule nuit où mes larmes vont couler. Vous dire la vérité sans reparler du passé. En quoi pour continuer, personne pour écouter. Je le fais pour m'évader, car ma tête en est bombée. Encore une seule nuit où mes larmes vont couler. Vous dire la vérité sans reparler du passé. En quoi pour continuer, personne pour écouter. Je le fais pour m'évader, car ma tête dans les bombées. Un dernier couplet avant qu'on casse mes sur arrêt. Notre vie est sur pause, on a quoi devenir taré. J'sais pas comment te dire, les sentiments sont refermés. Je reste de regretter, voilà ce que seul Dieu pourra me juger. La prière, la volonté, le jamais sont les seules choses vraies. Les frères et la famille sont les personnes qu'on ne veut pas perdre. J'aimerais dire que je suis heureux et ça serait de la faire à l'envers. Car je suis malheureux, en pleurs, tous mes frères. Le monde a bien changé, et t'inquiète, j'en suis pas fier. Je regrette encore le jour où j'ai fait pleurer ma mère. C'est en faisant des erreurs qu'on en apprend. Mais après les oublier, ça sera qu'une question de temps. Ça te gênant, des paroles véridiques qui s'envolent avec le vent. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Penser à mes bons vieux rêves de combattant. Car maintenant j'écris pour dire la vérité à tous ces gens. Encore une seule nuit où mes larmes vont couler. Vous dire la vérité sans reparler du passé. À quoi bon continuer, personne pour écouter. Je fais pour m'évader, car ma tête dans les bombées. Encore une seule nuit où mes larmes vont couler. Vous dire la vérité sans reparler du passé. À quoi bon continuer, personne pour écouter. Je le fais pour m'évader, car ma tête en est bombée. Encore une seule nuit où mes larmes vont couler. Vous dire la vérité sans reparler du passé. À quoi bon continuer, personne pour écouter. Je le fais pour m'évader, car ma tête en est bombée. Encore une seule nuit où mes larmes vont couler. Vous dire la vérité sans reparler du passé. À quoi bon continuer, personne pour écouter. Je le fais pour m'évader, car ma tête en est bombée.